faucheuses dans tous les angles. Ils m'ont réservé la sangle, toujours plus sanguinolent, mais toujours moins innovant. Esquiver les PNJ, un regard te pénalise. Jeter tous vos scénarios au bord de la misery. Des concerts à la silicone, où sont passées les icônes. Tout le monde bien sûr ironise, mais personne ne s'immunise. Seul sur ma banquise. Le rituel, c'est le rituals. Ça me manque pas la place du capitole. Ça fait longtemps que j'ai capitulé. Franc travail te saisit par la jugulaire. Satisfaire l'état, le reste les indiffères. J'arrive en chemise hawaïenne dans mes récoltes désert. Combien tu suis de gourous qui ont quelque chose de Cthulhu. Même si ta fesse bien moulée, mon cœur a déjà le verrou. Les volets se rabattent quand la lumière éclate. Il est temps d'ouvrir le booster, faire scintiller les cartes. On a refusé le réel, même sur les RS. Bientôt je perds l'audition, comme Pink Pantheress. Sur ma banquise, je fais à ma guise. Je garde le smile, quoi qu'il arrive. Ton cœur apprend, laisse-lui le temps de savoir que rien ne brille vraiment. Seul sur ma banquise.